you can do much better than me. After all the lies that I made you believe, guilt kicks in and start to see the edge of the bed where your nightgown used to be. Chercher l'amour en vain une fois que j'ai fini par croire que la vie veuille que je m'en passe. L'âme sœur qui enlace ce cœur qui s'entasse de doutes. Cette vie monotone m'a fait subir trop de crasse et c'est trop de traces. Mais je t'ai trouvé, toi c'est la seule qui harcèle mes pensées. Qui fait la nuit, je chancelle, je chante seul vers le ciel. Étincelle qui m'éclaire dans cette obscure solitude. Parsemée de joie, chaque parcelle de mon être, une douce sollicitude. Sens-tu ce qui m'élève, sens-tu ce qui m'enlève de ces beaux rêves, ces doux mots que je sème à travers mes lèvres. Cet amour sincère qui s'insère dans mes lèvres, car je vous le dis, je l'aime et je pourrais mourir pour elle. Car je vous le dis, je l'aime et je pourrais mourir pour elle. Rester aussi calme et silencieux que possible pour rester maître de mes textes, des émotions qui m'assaillissent. Le vent a emporté mes paroles et sans elles, je l'avoue, je suis comme ce roi sans couronne. J'aime le velours de son corps en plein vol. J'aime le regard attisant de cette belle espagnole. Ne plus vibrer de vie, voilà ce qui m'effraie. Finir seul sans autre, peur que ça prenne effet. Mes mains sont la seule façon de la posséder. Elle est la seule friandise que j'ai envie de goûter. Sens-tu ce qui m'élève, sens-tu ce qui m'enlève de ces beaux rêves, ces doux mots que je sème à travers mes lèvres. Cet amour sincère qui s'insère dans mes lèvres, car je vous le dis, je l'aime et je pourrais mourir.